Je te le remets et je te laisse faire ce que tu as envie. Mon instrumental. Salut Giorgio. Est-ce que ça va, les musiciens ? Thank you. normalement autotune, ça doit corriger, je sais pas si ça corrige. Yeah. C'est ce que c'est la version. Ça marche pas. Je teste. Une pizza. très bon, tu vois. Bon, tant pis, c'est italien. tonight. C'est bon, vous avez trouvé? Vous avez trouvé les accords? It's bitter. Et j'essaie de chanter avec vous. Here I go, out to sea again. Sunshine fill my air. I'm dreaming in the air. Girl in the sky, and me in my blue eye. You know it's feeling fair. Magic everywhere. Ah, c'est pas facile. Sunshine fill my air, and dreamland in the air. Girl in the sky and in my blue eye, you know it's feeling there. The magic everywhere. Look at me standing there on my own again. Oh, Thank you.